j'arrive pas à le faire. Bien. On n'a pas besoin de dire son son. Thank you. façon de... Radioactivity. tromper Jojo avec le synthétiseur. Manu veut pas te le faire assez longtemps. C'est pas ton Kings of Music. Thank you. Thank you.